Bonjour Yann. Bonjour Sylvie. Bienvenue dans cette 4e émission de Parlons Vélo consacrée au voyage à vélo. Alors on s'est dit que c'était la période parfaite pour penser à l'après, aux beaux jours à vélo qui vous attendent dès que le printemps sera là. Alors c'était aussi une façon d'évoquer le Festival international du voyage à vélo qui avait lieu normalement à Paris en janvier, mais dans les conditions habituelles et actuelles, il n'aura pas lieu. En revanche, des mini-festivals locaux se mettent en place pour toutes celles et ceux qui aiment voyager à vélo, et notamment le 27 mars à Nantes, mais nous en reparlerons dans une prochaine émission. Nous avions envie de réfléchir à comment bien préparer son voyage à vélo. Nous parlerons de tout ce que Internet peut nous apporter, sites de référence des itinéraires cyclables français tels que la Vélodyssée, la Loire à vélo, la Scandibérique, les calculateurs d'itinéraires, et nous avons d'ailleurs rencontré Nicolas Pinson du site France Vélo Tourisme. Et voyager, c'est d'abord s'inspirer des autres. Alors nous vous laisserons explorer de fond en comble les YouTube, les vlogueurs à vélo et d'autres blogs de récits de voyage. Ils sont bien trop nombreux et ont tous quelque chose à vous apporter, à vos mots-clés. Nous avions surtout envie de parler de ces lieux magiques qui nous inspirent, les librairies. Et à Nantes, nous avons l'énorme chance d'avoir la Géothèque, une librairie des voyages, avec à la barre Benoît. Il nous a fait découvrir ses coups de cœur et nous nous sommes laissés aller à la rêverie sur ses cartes en relief. Mais avant de passer la parole à Aurélien, qui est là, puisqu'on est dans sa cour, on va revenir à ta rencontre, Yann, avec Martine, je te laisse la présenter. J'ai donc rencontré Martine Leland de Cyclo Camping International, qui a la chance, le privilège d'habiter à Nantes. D'accord. Nous l'écoutons tout de suite. Alors, je suis avec Martine Leland, présidente de Cyclo Camping International, pas que pour l'enseigne de Nantes, pour l'association au niveau national, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Enfin, bon, présidente, je suis membre du conseil d'administration. Je suis présidente parce qu'il en faut une, mais on partage les tâches. Hein. Donc, moi, je voyage depuis très longtemps en vélo. Et ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait le plus possible de gens qui pratiquent le voyage à vélo sous toutes ses formes, mais principalement au niveau de CCI, on prône le voyage à vélo sans voiture suiveuse, sans accompagnement. Voilà. En autonomie complète. En autonomie. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'historique de cette association ? Alors au départ, c'est une association qui a été lancée par des copains qui voyageaient et qui se sont dit, après tout, si on échangeait avec d'autres, ça pourrait être bien. Et qui se sont retrouvés pour créer une association 1901 qui a pour objectif de regrouper et de faire que des voyageurs puissent échanger sur leurs pratiques. Voilà. D'accord. Ouais, elle a été créée en quelle année ? J'ai plus la date en tête. Je dirais qu'elle a plus de 40 ans. D'accord. Parce que le voyage à vélo, c'est quand même une vieille idée, dans le sens où, pour vous donner un exemple, je suis tombé sur un article de 1888 de la chronique vélocibétique du Dauphiné, ouais, pour être précis. J'ai trouvé ça sur Gallica en préparant cette émission. Vraiment, on peut le reprendre presque in extenso aujourd'hui. Je dis plus de 40 ans, je me trompe, c'est plus de 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler du festival qui n'a pas eu lieu l'an dernier, mais qui va bien sûr se dérouler, ouais, cette année ? Il y a un festival national, entre guillemets, qui a lieu à Vincennes tous les troisièmes week-ends de janvier, donc là, qui est annulé. Et qui regroupe, là, on a vraiment énormément de gens qui passent sur 2 jours pour échanger. En partie, enfin, c'est avant tout pour échanger, pour parler de leur futur voyage ou de leur voyage passé ou pour oser partir. Voilà. Le but de ce festival est que des voyageurs rencontrent des voyageurs et des non-voyageurs, des gens qui rêvent et des gens qui préparent, voilà, et les mettent en relation. Il y a des stands associatifs. Toutes les associations qui tournent autour du vélo et du voyage à vélo y sont invitées. Donc on a la F3V, on a la FNOT, on a toutes les associations parallèles et complémentaires, hein, qui, voilà. Des professionnels qui présentent du matériel qu'ils ont créé dans l'idée du voyage à vélo, hein, à condition que ce matériel soit en lien avec le voyage à vélo et pas en lien avec le vélo ou course ou autre. Voilà. Donc ils présentent leur matériel et il y a des projections de films de voyageurs. Alors, donc ça, c'est le festival qui a lieu tous les ans. Et sur Nantes, on essaye tous les 2 ans de proposer un moment à la médiathèque, à la Manu, pardon. En bas, on a les lieux de stands associatifs, de stands de présentation de matériel. Au premier étage, on a des débats, on a des échanges sur des thèmes. On expose notre matériel de camping. On fait un mini bivouac dans une salle pour montrer un petit peu le matériel qui est utilisable. Ah oui, c'est très intéressant. Voilà. Ça, vous avez vos propres spécifications, en fait. On a notre matériel à nous pour montrer les différents types de camping gaz, par exemple. D'accord. Les différents types de manières de... Et ces informations, on peut les retrouver ailleurs que pendant le salon, sur Internet, par exemple, sur un site ou... Alors, on a édité un livre qui s'appelle « Le manuel du voyage à vélo », qui a été fait d'une manière collaborative avec l'ensemble des adhérents de CCI et qui n'a pas la prétention de donner une vérité, mais qui a la prétention de montrer différentes manières, différentes approches pour une chose. Donc, en fait, plusieurs personnes ont donné leur avis sur les tenues vestimentaires, sur le type de vélo intéressant, sur le type de selle, sur sacoche ou remorque, sur... Voilà. Et à partir d'échanges d'expérience, la personne qui envisage d'acheter du matériel ou qui recherche une façon personnelle de faire le voyage peut s'approprier une expérience plutôt qu'une autre, quoi. Je crois justement que la rencontre avec d'autres personnes qui ont une pratique... et qui ne sont pas forcément des grands sportifs, qui ne sont pas forcément des gens qui passent leur vie sur leur vélo, qui ne sont pas forcément des grands aventuriers, et que s'apercevoir que ces gens-là, qui peuvent être des familles avec des jeunes enfants, ils s'aperçoivent que ces gens-là ont pu partir et que, de fait, le voyage à vélo, c'est ce qu'on en fait. Et il n'y a pas de vrai voyage, il n'y a pas de façon qui soit meilleure que d'autres. Chacun se fait son propre voyage. Et à partir de là, quand on a pris conscience un petit peu de ses limites ou de ses ambitions, c'est à la portée de tout le monde. Et tout le monde peut faire... Bon, la première fois que je suis partie en voyage à vélo, c'était il y a plus de 40 ans. C'était un voyage d'une semaine. Mon fils avait 5 ans. On était mon fils, mon mari et moi. On a pris le train jusqu'à Saumur et on est revenu en une semaine de Saumur à Nantes. C'était un grand voyage. Il n'y a pas de règles. Oui, on peut faire des étapes de 15 km par jour, voilà. Ou 20 km. On peut rouler 150 si on est un sportif. Tout à fait. Oui, il n'y a aucune. Dans le voyage à vélo, il n'y a pas de notion de sport, en fait, à aucun niveau. De notion de sport dans la mesure où il n'y a pas de notion de compétition. Y compris du point de vue visuel. Du point de vue personnel aussi, parce que essayer de se dépasser, mais ça c'est très personnel, c'est pas, il y a des gens qui ne supportent pas. Mais moi je préfère monter que descendre, par exemple. D'accord. Voilà, ça va moins vite, on prend son temps, on découvre. Et j'ai pédalé dans les Andes, par exemple, quand on découvre la population des gens qui vivent au-dessus de 4000 mètres, c'est magique, quoi. Vous êtes monté en vélo au-dessus de 4000 mètres? À 5000, oui. D'accord. Et c'est quoi, là, par exemple, les contraintes particulières? Parce que 5000 mètres, quand même, on va avoir un petit manque d'oxygène, manifestement. Parce que justement, en vélo... il y a un manque d'oxygène, bien sûr, mais en vélo, il y a une période d'accoutumance. Oui, donc le temps de monter jusqu'à 5000 mètres, votre corps s'est habitué. Voilà, tout à fait. Et puis, le rythme s'est épris aussi. Je veux dire, on le fait à son rythme. Oui. On le fait pas pour battre des records. On s'arrête régulièrement. Et c'est tellement grisant, tellement différent de ce qu'on a l'habitude de faire et de voir que c'est assez magique, quoi. Vous avez fait le désert d'Atacama en vélo? Oui. Alors? Ah, c'est magique. C'est magique. Enfin, il y a des couleurs absolument superbes, quoi. Hein. Enfin, c'est des choses qu'on peut pas voir ailleurs, quoi. Alors, on a fait une partie du désert d'Atacama, parce que le désert d'Atacama, c'est bon. Mais on a passé, à deux fois, on a passé des cols entre l'Argentine et le Chili, qui font partie du désert d'Atacama. J'étais donc en compagnie de Martine Leland de Cyclo Camping International. Cette rencontre illustre bien le besoin et l'envie de partager ses expériences, de s'enrichir de celles des autres. Les différents événements organisés par CCI sont d'excellents moyens pour développer et faire découvrir toute la richesse du voyage à vélo. Pour le moment, tout est en pause dans les événements prévus par CCI, mais voilà, on vous tiendra au courant sur la suite des événements. Bon Yann, ouais. Pour nous situer, nous sommes actuellement dans la cour de Aurélien, qui est présent avec nous, qui est un membre actif de l'association Place au Vélo et qui est lui-même voyageur à vélo. Alors je lui tends mon micro. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais un peu te présenter en 2 minutes? En 2 minutes, ben, je suis un cycliste quotidien et puis un fervent adepte du voyage à vélo maintenant depuis que j'ai goûté à ça. Donc ça va faire une dizaine d'années maintenant et je peux plus m'en passer. Donc voilà, le vélo c'est mon style de vie, c'est notre style de vie avec ma compagne et maintenant mes enfants. Je précise Amélie et Philae et le petit dernier Naël. Voilà, donc ils vont partir sans doute sur de nouvelles explorations, mais tu vas tout nous raconter parce que on a beaucoup à apprendre de toi et c'est pour ça qu'on a organisé cette émission. Enfin, c'est pour ça que nous avons cette émission avec Yann. C'est que oui, nous on veut faire découvrir les choses, de pousser les gens, enfin pousser, aider les gens, leur donner le goût et donner poser le micro, passer le micro. Passer le micro, oui. À des personnages comme Aurélien. Alors, on va d'abord parler actualité. Tu devais nous parler un peu du nouveau Bicycode 3.0. Oui, le Bicycode 3.0. Donc, il va remplacer, normalement, ça se fait au 1er janvier, ça devait être mis en place au 1er janvier. Donc, les décrets d'application sont sortis, je crois, le 28 décembre pour une application au 1er janvier. Donc, fatalement, hein, il y aura un petit, on va dire, bon, un quiproquo administratif. Mais enfin, bon, on est... J'ai rencontré Annie Claude, donc notre présidente, donc présidente de Place au Vélo Nantes, pour nous parler du Bicycode. Elle est vice-présidente de la FUB, donc elle a participé à l'élaboration de ce nouveau système. Ok, on l'écoute. Alors, avant de parler du Bicycode 3, je vais tout simplement parler déjà de la nouvelle obligation réglementaire pour les vélos neufs d'être marqués. Alors, c'est une innovation et c'est une très grande satisfaction pour notre fédération, la FUB, puisque on avait déjà initié cette proposition dès 2017 dans le cadre des Assises de la mobilité. Puis, de nouveau, on a remis ça sur le plan vélo national en 2018. Et en 2019, on a vu effectivement l'obligation de marquage s'inscrire dans la LOM, la loi d'orientation mobilité. Là, le décret est paru toute fin décembre. Malheureusement, l'État a 3 mois de retard dans la diffusion et la signature de ce décret, ce qui fait que tous les opérateurs ont également 3 mois de retard dans l'application de la mesure. Il y aura donc une tolérance assez souple jusqu'au début du mois d'avril, de façon à ce que tous les systèmes se mettent en place. Alors, Bicycode 3, tout simplement, a été le pionnier en fait du système de marquage, puisque la FUB avait lancé ce système en 2004 en s'inspirant d'un système allemand par micropercussion. Et aujourd'hui, on va continuer cette technique de micropercussion, mais avec des nouvelles étiquettes de masquage qui vont être référencées auprès de l'APIC, hein, l'Association pour les cycles et l'identification des cycles, que nous avons créée avec l'Union Sport et Cycles. Mais on va évoluer, Bicycode devient Bicycode 3.0 parce qu'on s'adapte aux nouvelles matières, aux nouvelles peintures. Et effectivement, la micropercussion ne fonctionnait pas sur l'ensemble des cadres ou des supports. Donc, on a mis au point 2 systèmes supplémentaires, une étiquette qui ressemble peu ou prou à l'étiquette de masquage du numéro en micro-percussion, mais qui est déjà pré-imprimé avec le numéro d'identification. L'étiquette est quasiment infalsifiable et indécollable. On l'a d'ailleurs testé, et c'est vrai qu'à défaut de se casser les dents, on s'est cassé les doigts, les ongles, donc on est sûr qu'on ne peut pas l'arracher... à moins de couper un morceau du cadre. Et puis, on aura également dans les semaines qui vont suivre, parce que tout ça devrait arriver courant février, une étiquette alu qui, elle, sera également collée de façon inaltérable. Donc, ces 3 systèmes, on l'espère, vont rester... en tête des systèmes de marquage antivol, hein, puisqu'il y en a d'autres. Hein. On a aujourd'hui des concurrents. C'est vrai que toutes les solutions qui marchent et qui sont créées par des associations, un jour ou l'autre, font l'objet d'une concurrence sur le marché. Mais bon, c'est finalement la destinée des solutions qui réussissent. Et la solution de marquage est effectivement une bonne solution puisqu'elle fait partie de la panoplie de la lutte contre le vol qui est le premier frein à la pratique du vélo. Maintenant, cette obligation de marquage, qui d'ailleurs va être aussi obligatoire sur les vélos d'occasion vendus dans les circuits commerciaux à partir du 1er juillet pour les vélos d'occasion. Ça ne s'applique pas aux particuliers. Ne s'applique pas aux particuliers. En revanche, on sait que l'info qui a bien circulé, on l'a vu au niveau de Place au Vélo depuis un an, a suscité chez de nombreux particuliers le réflexe de venir faire graver son vélo, ce que nous encourageons de toute façon, de façon massive, puisqu'on sait qu'un vélo marqué a 8 fois moins de risque d'être volé, et que par ailleurs, un quart des vélos volés étant retrouvés mais non remis à leur propriétaire faute d'identification, le marquage répond à cette question. Mais ça ne doit surtout pas masquer le vrai problème du vol qui est le manque crucial de stationnements sécurisés et notamment pour les stationnements longs que sont les stationnements de nuit ou pendant des voyages tels que les stationnements en gare et les stationnements dans les immeubles d'habitation qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, est le premier lieu de vol des vélos. Oui, on en a l'expérience tous les uns les autres malheureusement d'avoir eu voler dans son propre logement, mais voilà. Voilà, donc d'ici très peu de temps, on va dire d'ici 3 semaines, Place au Vélo proposera les 3 solutions de marquage et c'est des techniques qui devraient un peu accélérer les procédures puisqu'aujourd'hui on a des files d'attente pour faire marquer son vélo. Oui, donc maintenant on va pouvoir faire marquer les vélos en carbone et les vélos avec des matières un petit peu plus exotiques. Tout à fait. Les vélos en titane, enfin, puis les vélos parfois qui ont des cadres un petit peu particuliers qui empêchent une gravure vraiment dans des bonnes conditions. Voilà, et puis surtout, ça retire tout argument aux constructeurs qui éventuellement retireraient la garantie en cas de vélo marqué à la micro-percussion. Là, en l'occurrence, il n'y aura plus aucun système mettant éventuellement, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a absolument aucune preuve que la micro-percussion met en péril le cadre. Mais néanmoins, voilà, c'est une réponse aussi qu'on apporte à ce questionnement. C'est vrai que quand on y pense, on n'a aucun témoignage de vélo qui aurait été abîmé à cause d'une... En dehors de la peinture, qui peut parfois prendre des petits jetons, un cadre qui aurait été vraiment abîmé par le gravage, moi, je n'ai pas d'expérience, j'en ai jamais vu. Non, d'autant qu'on en aurait vu, enfin, il se serait passé. Tout à fait, d'autant que la force de frappe de la micro-percussion est largement inférieur à certains chocs qu'un vélo peut avoir en cas de chute. Et pour autant, le cadre n'est pas remis en question. Bon, sur les cadres aluminium ou acier, les métaux sont révisés. Exactement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Annie-Claude. À bientôt. De mon côté, j'avais envie de, à l'occasion du voyage à vélo, j'avais envie de revenir sur une opération très intéressante qui est une bourse qui est organisée par la CCI qui est octroyée. C'est une bourse de 1000 euros. Alors en fait, elle permet d'aider à la réalisation de projets aux multiples facettes. Il n'y a pas de thème particulier ni de critères spécifiques, si ce n'est ceux qui sont contenus dans le règlement de la bourse 2021. Alors, les candidats devront être autonomes, se déplacer en vélo, sans motorisation. Ils seront seuls, en couple ou en famille, voire en groupe, à eux de juger en fonction de leur projet. Voilà. Le montant de chacune des bourses, il est de 1000 euros. C'est hyper intéressant. Je crois que l'âge, il faut être né après 1991, le 1er janvier 1991. Il faut être âgé au maximum de 40 ans. Voilà. Les dossiers sont à envoyer par courriel à bourse@cci.asso.fr. Et la date limite des dossiers, c'est le 31 janvier. Donc, dépêchez-vous. Alors, cette émission, nous l'avions lancée à l'occasion du Festival international du voyage à vélo de Paris, qui n'aura pas lieu. C'est un événement qui est riche en inspiration. On y visionne de nombreux films de récits de voyage et les voyageurs dont les films sont projetés sont eux-mêmes présents. Et c'est passionnant parce qu'ils répondent aux questions. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de t'y rendre, Aurélien, Yann ? Oui, J'y suis allé plusieurs fois et effectivement, c'est source d'inspiration et puis ça fait rêver. C'est le petit moment de dépaysement dans l'hiver et ça vous met le pied à l'étrier en général. Qu'est-ce qu'on y rencontre ? Qu'est-ce que moi je sais que bon, il y a aussi une partie extérieure où il y a des éditeurs qui sont là pour ceux qui aiment le magazine de sang et le cycle, par exemple le MOOC. Vous pouvez rencontrer les équipes. Qu'est-ce qu'il y a également comme rendez-vous là-bas ? Il y a pas mal d'autoproductions de livres. Les voyageurs présentent leurs livres dans des stands. Souvent, ils présentent aussi un film. Il y a des petits ateliers, comment lire une carte, comment être autonome à vélo du côté énergie. Il y a des vendeurs de cycles aussi, beaucoup de vendeurs de cycles qui permettent de voir ce qui est fait actuellement sur le marché. Et puis surtout, il y a les films. Et puis, on rencontre des gens qu'on voit chaque année. Et puis, on discute entre voyageurs quand on s'est rencontrés sur la route. C'est un petit peu un point de rassemblement pour se retrouver. Et puis, ça permet de voir qu'il est possible de se lancer sur des petits voyages, des grands voyages, en famille, seul. C'est inspirant. Tu vas nous raconter tout ça parce que on va vraiment prendre le temps de te poser toutes ces questions parce qu'avec Yann, quand on a eu l'idée de cette émission, on s'est dit que c'était le meilleur moment, tout le monde est à l'arrêt, là un peu c'est au froid, on est chez nous, on est devant les ordinateurs et justement on s'est dit le web c'était un peu le lieu où on trouvait toutes les informations. Bah, c'est le seul endroit où on peut vraiment voyager à vélo aujourd'hui. YouTube. On peut changer de pays, on peut traverser le monde, on peut vérifier. Enfin, ouais. Blog, etc. D'ailleurs, juste après, on reviendra à parler des calculateurs d'itinéraire. Mais parle-nous un peu plus et je vais te donner complètement le micro pour que tu nous racontes un petit peu comment toi, t'es tombé dans le voyage à vélo. Dis-nous plus. Qu'est-ce qui t'a motivé quand la première fois que tu es parti en vélo, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Au-delà du fait que tu étais un cycliste quotidien, qu'est-ce qui a déclenché le fait que, tiens, je vais voyager en vélo ? Allez. C'est simple, c'est quelqu'un que je connaissais qui faisait déjà du voyage à vélo, qui un jour m'a un petit peu dit tiens, tu pourrais essayer de partir. Et puis j'ai vu que ça me plaisait. Donc au début, sur une journée, une sortie sur une journée. Et puis. Un jour, je me suis lancé avec un copain. J'ai fait pour la première fois le canal de Nantes à Brest. C'était juste à côté, donc c'était assez facile. Donc, j'avais pas tout préparé. Je suis parti un petit peu à l'arrache. Hein. Le premier soir, on a mis une heure à monter la tente parce qu'on l'avait jamais montée. On a failli manger froid parce que le réchaud, on n'arrivait pas à le démarrer. Et puis, voilà, on a été mouillé la moitié du temps parce que on avait beau être en septembre. En Bretagne, il fait le temps habituel. et puis voilà, là, je me suis aperçu que ça me plaisait. Et puis après, j'en ai refait un autre. Et puis les circonstances de la vie font qu'à un moment, les choses ne sont pas passées comme je voulais dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale. Et puis je me suis lancé un grand défi. Je me suis dit que j'allais partir en Afrique du Sud à vélo. Et donc tu as pris l'avion à l'aéroport, tu as mis ton vélo et tu es atterri à Johannesburg, c'est ça ? Non, j'ai pris mon vélo et puis je suis parti avec un copain jusqu'à Angers. La première fois, le premier soir, c'était jusqu'à Angers. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'au Cap. D'accord. Donc, il y a un moment... Ça fait quoi de partir de porte à porte jusqu'à la destination ? Parce que c'est un peu ça ce que tu as fait. Au départ, on n'y croit pas parce qu'en fin de compte, on va juste la première fois, on va à Angers et puis après, on est à Tours et puis on avance, on est en France, on a encore nos repères, l'argent, la langue, l'alimentation, la culture. Puis on change de pays, première frontière, la Suisse. Bon là, on commence à quelques petits frissons, mais on reste encore dans un pays occidental. Puis on avance, puis on passe sur des pays qui sont moins occidentalisés. On arrive Bulgarie, Roumanie, où ça commence à être les charrettes. Ça a été quoi votre parcours en fait ? On est parti vers l'Europe de l'Est, en suivant, on parle de la Loire à vélo. On a fait la Loire à vélo, qui est le prolongement. L'Eurovélo 6, c'est une des parties de la Loire à vélo. Après, on a suivi un petit bout du Rhin. Et puis après, on a suivi le Danube. Jusqu'en Bulgarie. Et puis à partir de là, la Bulgarie, on sort de l'Europe et on arrive en Turquie. Et déjà, là, on prend un grand coup de dépaysement quand on entend le muezzin chanter le matin dans les mosquées. Vous êtes passé par la Cappadoce à vélo ? Oui, on est passé par la Cappadoce à vélo, tout à fait. La Cappadoce, oh, c'est une région turin à voir avec des... C'est un des paysages très très très beaux avec des cheminées de fées. C'est au centre de la Turquie qui est très connu pour le voyage. Oui, et puis c'est tellement exotique par rapport à tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on voit en France ou ailleurs, ou même pour la Turquie, ça reste quelque chose de très exotique. Bon, enfin, je pense que tu en parleras mieux que moi, tu l'as vu en vrai. Oui, je l'ai vu en vrai, on y a passé quelques jours. En fin de compte, le voyage à vélo, on passe rien que c'est pas la destination ou c'est pas les lieux souvent où on s'arrête qui font le voyage. Hein. C'est effectivement beau. On a vu traverser plein de capitales. J'ai suivi le Nil ou des choses comme ça, mais c'est le fait de voyager tous les jours, de se retourner, de voir la vie qui s'écoule à côté, de voir des gens travailler dans des champs en Éthiopie. Je traversais l'Éthiopie. Les gens sont sur des charrues à bœufs. Il n'y a pas de mécanisation. On a l'impression d'être il y a 200 ans ou il y a 100, peut-être 100 ans en France. Parce que c'était il y a combien de temps que tu as fait ce voyage ? Je suis parti en 2013 pour un retour en 2014. Voilà, donc après ça, je suis descendu. Donc je m'étais fixé de partir et puis je suis parti. J'ai rencontré ma compagne actuelle juste avant de partir, mais je suis parti quand même parce que j'avais besoin de ça. Je m'étais lancé ce défi et puis donc je suis parti. Je suis parti avec un copain. On s'est séparé à un moment. J'ai rencontré quelqu'un d'autre sur la route. Un voyageur à vélo, on a fait une partie, puis ma compagne m'a rejoint pour les 3 derniers mois, donc à partir de la Zambie jusque presque en Afrique du Sud. Quelle était l'expérience de voyage à vélo de ta copine en fait? Alors enfin ta compagne, excuse-moi. On peut lui dire de venir, hein. Voilà. Oui. Oui, parce que elle avait ouais. Amélie, quelle était ton expérience de voyage à vélo quand tu l'as rejoint en Zambie? Alors, moi, je viens d'une famille où on faisait déjà du voyage à vélo. On était déjà partis aussi en voyage à vélo ensemble, tous les deux. On a fait Riron, qui est au milieu de la côte nord espagnole, jusqu'à Nantes, en vélo. Et on avait fait des petits week-ends. Vous avez pris le paquebot ? Oh. Alors, on fait partie des chanceux qui ont pris... Ouais. Racontez-nous. Ce paquebot qui partait de quoi? De Saint-Nazaire. Oui. S'il vous plaît. Si vous nous entendez, remettez-le en action. C'est tellement un mode de transport écologique pour rejoindre la péninsule ibérique. Il faut le faire en vrai. Hein. Moi, j'ai fait l'aller-retour. Vous avez fait que l'aller, vous. Oui. Moi, l'avantage, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait l'aller en voiture avec mon ex et puis mon fils quand on est parti justement, donc jusqu'à Riron. Attends, on va lui laisser... Mais au-delà de ça, non, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand on le fait la première fois, on est surpris parce que c'est un monde qu'on connaît peu, traverser là-bas. Ouais. Et au retour, on a quelques repères. Et là, vraiment, je dois dire que le retour à Saint-Nazaire, il faisait beau, la mer était calme. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Honnêtement, j'ai vu des trucs. J'ai vu le soleil se coucher sur l'océan, et c'est surtout que je l'ai vu se lever à l'est. Et c'est quelque chose qu'en France, on ne voit pas le soleil se lever sur la mer à l'est. Il y a eu quelque chose de. Ça a duré 4 secondes, hein. Mais je l'ai attendu pendant une heure et. Wow. Donc oui, on fait partie des chanceux qui ont pu prendre ces bateaux-là. Donc j'avais déjà fait du voyage à vélo quand j'ai rejoint Aurélien. Je l'ai rejoint donc plusieurs fois sur ce voyage qui a duré un an pour lui. Je l'ai rejoint en Autriche. Après, je l'ai rejoint en Éthiopie. Donc d'abord une semaine en Autriche, 3 semaines en Éthiopie et puis après 3 mois sur la fin du voyage. Donc, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est les 3 mois, parce que du coup, Aurélien arrivait à la fin de son voyage, il avait un très très bon rythme de cycliste. Moi, j'avais juste quitté mon travail et j'avais pris mon vélo et j'arrivais. Donc, deux jours après, elle se retrouve au milieu de la savane après être partie de Nantes. C'était à quelle période de l'année ? En janvier. En janvier, d'accord. Oui. Ah oui, donc tout de suite, ça fait un... Non. Alors Aurélien fait non. Mais c'était en avril. Ah oui, c'était en avril. Oui, donc le choc en dehors des températures était peut-être moins brutal que... C'était le dépaysement complet quand même. On s'est retrouvés, on voyait très peu de monde. On était vraiment dans des endroits où je pense qu'eux aussi avaient vu peu de cyclistes. Oui, et puis la Tanzanie, c'est quand même un pays très sauvage. Enfin... Oui, tout à fait. Alors concrètement, quand on part comme ça sur des destinations qu'on va dire un peu exotiques, dans le sens où il n'y a pas des vélocistes, on ne fait pas travailler le Google Maps et il n'y a pas un grand magasin qui vend des chambres à air, des pneus. Quelle place est laissée à l'imprévu du point de vue technique? Et allez, on a... on a Philae qui arrive avec un Scooby-Doo. Quelle part est laissée à l'imprévu comme ça? Moi, c'est la chose qui m'interroge à chaque fois. Est-ce qu'on parle à les sacoches chargées de chambres à air et d'outils, tout ça? Expliquez-nous. Pour un voyage comme ça, dans ces pays un petit peu, on va dire, exotiques, on se prépare un minimum. C'est-à-dire qu'on part avec un certain nombre de... d'outils, j'avais prévu de, j'avais réparé entièrement un vélo, au moins les casses habituelles. Et puis ces pays, ils ont la débrouille dans, voilà, ils savent réparer. Là-bas, beaucoup de gens se baladent à vélo. J'étais parti avec des standards de pneus, de chambre à air qu'on retrouve. À titre d'exemple, je suis parti avec un pneu d'une marque allemande très connue, avec lequel j'ai fait 17 000 km. Et là-bas, à un moment, j'ai plus pu rouler. Et donc, j'ai acheté du pneu chinois. Il y en a un qui m'a fait 1000 km et j'ai un pneu indien qui m'a fait 500 km. Et Amélie, en revenant, m'a ramené des pneus de bonne qualité. Donc, je suis parti, j'ai dû changer des rayons dans le désert que j'avais cassé, mais j'avais appris à changer des rayons et que j'avais amené. Voilà, c'est un petit peu de préparation. Mais ça, c'est sur ces voyages-là. Je veux dire, oui, Tanzanie quand même. Si on part sur la Loire à vélo. Il n'y a aucun souci, on n'a pas besoin, on a un kit de rustine, ça, c'est très bien. Ben alors justement, ça m'amène à parler d'un site internet qui est très utile. Enfin, ils sont nombreux, hein. Il y a Komoot, mais chez les Français, on a GéoVélo et France Vélo Tourisme. France Vélo Tourisme qui a donc son siège à Nantes. Alors on est allé rencontrer Nicolas Pinson qui nous a un petit peu raconté quel était l'intérêt de ce site. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Tu l'as déjà utilisé, Aurélien ? Alors, je suis déjà allé pour faire des estimations de durée d'étape et surtout voir ce que propose comme trajet. Par exemple, quand on a fait la vélo française, j'ai dans l'idée de aussi partir en Corrèze ou par là. Et donc, je regarde en mettant les villes sources et destinations, on va dire, voir s'il y a des véloroutes sur lesquelles on peut passer. Donc oui, j'y vais assez régulièrement. On l'écoute. Donc France Vélo Tourisme, c'est d'abord un site pilier. Vous retrouvez chaque itinéraire détaillé. Donc chaque itinéraire est découpé en étapes. Il est un peu saucissonné, ce qui permet après à l'internaute de préparer son séjour, son voyage à vélo, avec les informations qu'il va retrouver sur le site. Donc on peut évidemment télécharger la trace GPX pour la mettre dans un smartphone ou sur un GPS vélo. On va trouver tout ce qui concerne les services, donc les hébergements, la restauration, la réparation de vélos si on a besoin, la location de vélos également. On a évidemment les offices de tourisme qui sont référencés. Et on peut très facilement combiner un séjour en itinérance et partir de 1 à 10, 20, 30 jours comme on veut. En plus de ça, on a aussi évidemment des partenaires qui sont des agences de voyage spécialisées vélo, dont on va aussi diffuser les offres et les séjours packagés. Tu peux après, suivant les prestations que va proposer le Théo, tu peux très bien préparer, avoir juste un séjour minimal où tu vas juste prendre l'hébergement et le vélo. Et puis après, tu peux aussi composer avec quelque chose beaucoup plus à la carte, où là, tu vas aller sur une prestation beaucoup plus fine, avec notamment le transfert des bagages d'une étape à l'autre. Comme ça, tu voyages évidemment très léger. Tu peux choisir d'aller d'un point A à un point B en te fabriquant ton propre séjour grâce au calculateur d'itinéraire qui est présent sur France Vélo Tourisme. Ou alors, tu peux très bien te faire une boucle. Tu peux partir de Nantes, aller à Angers, après redescendre, continuer jusqu'à Saumur. Et après, tu redescends vers La Rochelle par la vélo française, par exemple. Et tu reviens par la Vélodyssée. Donc, tu peux te faire un mix comme ça avec trois itinéraires en prenant un bout de la Vélodyssée, un bout de la Loire à vélo, un bout de la vélo française. Donc, c'est tout l'intérêt de la plateforme. C'est qu'on on essaie d'avoir un maximum d'itinéraires pour que les utilisateurs puissent trouver leur bonheur où qu'ils soient en France. Tu vas aussi tout cet aspect, ouais, donc l'aspect évidemment inspiration sur le site web, mais aussi via, par exemple, notre réseau Facebook. Donc l'idée, c'est de proposer des choses un peu qui peuvent sortir de l'ordinaire, des contenus, comme on dit, inspirationnels, qui vont un peu donner des idées à tous nos internautes pour composer leur propre séjour et avoir une petite idée un peu originale pour justement découvrir la France d'une autre manière. On a vraiment tout cet aspect rédactionnel qui est évidemment très important, très chronophage, et qui permet aussi ensuite d'aller vers l'inspirationnel en proposant des choses, voyager avec des enfants, voyager, prendre le train avec son vélo, parce que ça, c'est quand même une question très, très tendance. Donc ça, tu pars de ce moteur de recherche, tu vas sélectionner, si tu veux quelque chose plus, par exemple, un itinéraire plus en forêt, tu vas sélectionner peut-être une région ou un itinéraire en lui-même, et ça va t'amener sur quelque chose. Et après, ça va te permettre de rebondir et peut-être de passer soit sur du contenu inspirationnel, soit sur le calculateur d'itinéraire pour essayer peut-être d'affiner un peu ce que tu recherches et te faire ton propre parcours finalement. Donc c'est déjà une première étape, si tu veux, avant peut-être le carnet de route. Ça te permet d'avoir un moteur de recherche pour balayer un peu tout ce que tu peux chercher, espérer trouver. Et puis ensuite, l'idée, c'est peut-être aussi de t'amener après à faire par toi-même ton propre parcours et te faire un carnet de voyage, un carnet de route, pour pouvoir ensuite partir vraiment sur le terrain et préparer tes vacances. Tous les itinéraires qui sont, présents sur la plateforme web sont des itinéraires structurants et structurés, c'est-à-dire qu'ils ont tous une signalisation et surtout ils sont aussi sécurisés. Donc on peut vraiment y aller en toute confiance et dans 99% des cas, on va pas se perdre, quoi, sauf si vraiment on est un peu distrait. On a été assez surpris parce qu'au début, France Vélo Tourisme, historiquement, on était vraiment pour faire la promotion des véloroutes et voies vertes, donc vraiment les itinéraires grand public les plus faciles. Mais là, on s'est aperçu qu'il y avait toute une demande émergente, notamment avec le gravel, mais aussi que le VTT, l'itinérance à VTT, c'était aussi en plein développement. Donc on a commencé à mettre des itinéraires VTT sur le site, sur la plateforme web. Et là, on voit que ça prend, quoi. C'est-à-dire que la pratique, elle est vraiment multiple, quoi. Donc on va partir des néophytes qui se lancent une première fois, qui se disent « bon allez, je tente le coup ». Donc c'est là aussi on a tout notre aspect inspirationnel qui est important, parce que comment s'équiper, qu'est-ce qu'emporter en voyage, quel vélo choisir. Donc là, on a des pages conseils aussi, on a tout ce volet-là. Et puis, évidemment, on a aussi des gens beaucoup plus aguerris qui, là, seront peut-être plus intéressés faire de l'itinérance en VTT, notamment sur la grande traversée du Massif Central, par exemple. Il y a des itinéraires comme ça qui font rêver. Et puis, France Vélo Tourisme, c'est aussi le pendant des services avec la marque Accueil Vélo. Donc, on valorise sur le site web ce qu'on appelle les points d'intérêt, tous les prestataires qui s'engagent dans une charte de qualité pour bien accueillir les cyclistes avec des services adaptés. Toutes les catégories d'hébergement, donc ça va de l'hôtel au camping, en passant par la chambre d'hôte, puis les gîtes, donc après qui se déclinent, après gîte d'étape, gîte rural, voilà. Et puis, évidemment, les autres services qui vont être l'information avec les offices de tourisme, parce que c'est quand on arrive souvent dans une ville, ça peut être très bien d'avoir parfois un petit plan ou des choses à voir, parce que le web, c'est bien, d'avoir sur son téléphone, c'est bien, mais un petit plan, quelquefois, un petit peu de papier, c'est pas mal non plus. Et puis, il y a les sites de visite. Donc, quand vous arrivez pour faire la visite d'un château, quand c'est un site qui est labellisé Accueil Vélo, il se doit de vous proposer une consigne pour garder vos bagages et puis un endroit sécurisé pour mettre vos vélos le temps que vous fassiez la visite du château ou du site de loisirs. Donc ça, c'est vraiment un engagement un peu de France Vélo Tourisme, c'est de proposer à la fois l'itinéraire qui est sécurisé et puis les services qui vont avec les à côté. Donc ça permet vraiment aux gens d'être en confiance et puis de se dire, le vélo, c'est possible. Donc voilà, France Vélo Tourisme, c'est une plateforme où on trouve toutes les routes cyclables de France et ce fameux calculateur qui permet de sélectionner différents critères, difficultés, envie, durée, bref, et voilà, il nous l'a expliqué. Il y a aussi ce fameux label accueil vélo, hein, hébergement, loueur de cycle, réparateur. C'est assez intéressant, c'est quand même, ça permet de trouver quelqu'un à moins de 5 km de son itinéraire vélo. Comme tu le disais si bien Aurélien, quand on est sur la Loire à vélo, trouver un réparateur ou un resto qui accueille les vélos, se fier à ce label, c'est quand même assez chouette. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as utilisé déjà du Warm Shower ? Oui, je fais partie de la communauté Warm Shower. Le concept, c'est qu'on héberge des gens, des cyclistes en voyage qui vous font une demande d'hébergement. Donc, au départ, c'était, comme le nom l'indique en anglais, ça veut dire douche chaude. Donc l'idée était de pouvoir fournir aux voyageurs à vélo une douche chaude après leur voyage. Puis il y a eu d'autres offres, entre guillemets, pouvoir dormir, laisser son vélo, un garage, on peut poser la tente, on peut fournir un endroit pour poser la tente, un accès à la cuisine, une machine à laver. Il y a des indications sur la distance au camping le plus proche, la gare, le réparateur de vélo. Donc c'est une communauté mondialisée qui permet d'accueillir et d'être accueilli. Parce qu'une fois qu'on est sur la route, on fait des demandes à des hôtes pour être hébergé et on peut tout à fait refuser parce qu'on n'est pas dispo et accepter des gens. En gros, pour l'avoir testé aussi, il faut quand même s'organiser un petit peu. Hein, Warm Shower, c'est quand même sympa de, si on sait qu'on part en voyage pendant un mois et qu'on essaye d'organiser, soit on n'est pas organisé et puis on le tente comme ça, hein, en freestyle. Mais le mieux, est-ce que c'est pas mieux d'envoyer des mails, je serai de passage à Angers du 15 ou à Pittsburgh du 5 au 20 juillet. Est-ce qu'il y a des possibilités de nous héberger, etc. Toi, tu prônes l'organisation ou l'organisation à la semaine ? Je propose deux choix. Ça nous est arrivé dans un autre voyage, j'expliquerai plus tard. Mais soit on sait à peu près quelle distance on va faire quand on va arriver et on envoie en avance pour que les gens à qui on demande un hébergement soient au courant et ils ont leur vie aussi. Donc on ne peut pas non plus arriver, débarquer comme ça. Mais il est arrivé d'appeler en urgence à Warm Shower parce qu'on était sans hébergement et la personne était 18h, il commençait à faire noir. On l'a appelé en lui disant on est en galère et la personne nous a hébergé directement. Donc il peut y avoir ces deux. Ça dépend des hébergeurs et ça dépend des gens qui demandent aussi. Mais prévenir, c'est toujours mieux. Il existe une solidarité entre les voyageurs à vélo. Enfin, une solidarité s'entend dire que si tu es en moment de galère, est-ce qu'il y a des ressources extérieures, au-delà de Warm Shower, des groupes de discussion, des choses comme ça qui vous permettent de trouver des solutions en cas de galère. Moi, je vois ça sur les groupes Facebook, par exemple, de voyageurs à vélo. J'en voyais un hier. Je crois que c'était vers Béziers. J'ai aucun hébergement parce qu'on m'a lâché sur un truc. Est-ce que quelqu'un a une solution ? Le quart d'heure après, et c'était réglé. Donc, alors, CCI, dont on va reparler, est une grande communauté et souvent, selon où on arrive, on peut demander à être hébergé à la communauté CCI. Ça s'appelle le CAC, cycliste accueil cycliste, cyclo accueil cyclo, quelque chose comme ça. Après, dans d'autres pays, on peut avoir des réseaux sociaux type WhatsApp. Il faut être rentré dans le groupe et des groupes WhatsApp sur lesquels on peut se connecter et faut être invité par quelqu'un qui est déjà dans ce groupe là et ça nous est arrivé à l'étranger et c'est assez interactif, assez rapide pour avoir de l'aide. Après, pour aider des cyclistes, si un jour ça m'est arrivé à Nantes de passer en rentrant du travail et de voir des gens en train de rechercher ou je leur demande toujours s'ils ne sont pas en galère pour pouvoir les héberger, puisqu'on a tellement été hébergés chez des gens qu'on a toujours envie de rendre l'appareil. Et puis quand on voit un voyageur à vélo, naturellement on a envie d'aller vers lui pour demander d'où vous venez, vous allez où et comment ça va. Alors tu disais on a tellement été hébergés et on va y venir au voyage en famille, mais juste avant je vais vous faire écouter un personnage qu'on a rencontré avec Yann qui est le propriétaire de la librairie La Géothèque, cette fameuse librairie du voyage, tu la connais bien ? Oui, je la connais parce que c'est là qu'on va chercher nos cartes papier, parce qu'on fonctionne un peu encore avec des cartes papier, au moins au départ, pour avoir une grosse maille de l'itinéraire qu'on veut faire. Et puis sur le dernier voyage qu'on a fait en famille, on a acheté une carte là-bas et on a posé des points et après on a tiré des traits entre ces points pour pouvoir repartir. Il y a quelque chose de plus actif dans une carte papier finalement et de plus participatif, je dirais, si on part en famille, en voyage à vélo, quoi. C'est-à-dire que là, les enfants peuvent jouer avec une carte alors que ce n'est pas la même chose de mettre son doigt sur un écran. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, à ce côté-là, Amélie pourrait vous le dire parce que c'est elle qui l'a dit tout à l'heure, mais je pourrais le répéter. Il y a quelque chose de visuel. On voit la progression, on voit loin sur une carte, ce qu'on ne voit pas sur une carte, sur un écran. Là, on peut voir à peu près le chemin, même si parfois c'est 15 cm qu'on a parcouru. Et on peut voir les villes qu'il y a à côté, on peut voir le dénivelé. On peut faire tout ça avec un ordinateur, mais une carte, on l'a dans notre sacoche, devant nous, on la regarde. C'est quasiment notre boussole pour voyager. Après, on a des cartes papier, nous. On a aussi j'ai aussi un GPS. Pour avoir des statistiques, savoir combien on va, à quelle est la distance de la prochaine ville, surtout pour des questions d'organisation familiale. Et puis après, maintenant, on se sert aussi beaucoup des smartphones pour voir les prochains dénivelés. Parce qu'on se dit, tiens, si une ville est à 50 km, oh, bah, c'est pas si loin que ça. Mais si c'est 50 km de montée, on n'arrivera pas, quoi. Eh bien, écoutons Benoît de la Géothèque. Alors, donc moi je suis Benoît Albert, je suis le gérant de la librairie La Géothèque, la librairie de voyage à Nantes. Et voilà, nous vendons des cartes, des guides à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde entier. Ici, nous sommes dans l'espace pour les voyageurs à pied et à vélo. Alors, sur cette table-là qui fait face à nos cartes hygiènes, parce que là j'ai un tableau avec des cartes hygiènes, on pourra regarder ça après. J'ai ici quelques petits récits, et là j'ai notamment une petite pépite, parce que s'il y en a un qui sait très très bien raconter le vélo, c'est Claude Martaler. Claude Martaler, c'est quelqu'un qui est toujours sur son vélo, qui arpente le monde entier, et il en sort des livres remarquables. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en fait pas simplement un récit, il n'est pas seulement à vous dire, voilà, donc là j'ai fait ça aujourd'hui, demain je ferai ça, il a fait beau. Il vous donne en fait une petite philosophie de la bicyclette, et on est accompagné avec lui, mais de manière poétique. Et il donne en fait tout un sens à son périple à vélo. Donc c'est un auteur que je trouve particulièrement remarquable. Parce que faire un écrit, c'est pas forcément donner à tout le monde. Enfin, si tout le monde peut écrire, tout le monde peut faire quelque chose. Mais donner quelque chose qui vous embarque, eh ben Claude Martaler sait le faire très très bien. Mais il y a un autre auteur aussi qui est un local, c'est... J'approche d'un autre secteur. Voilà, Frédéric Albert. Lui, il va nous faire d'ailleurs un second ouvrage bientôt. Voilà, c'est des tribulations d'un cycliste qui ne voulait pas le maillot jaune ou comment prendre son temps à bicyclette. Frédéric Albert, il habite aujourd'hui à Barcelone et il nous embarque donc dans tous ces petits territoires. Il fait beaucoup la France d'ailleurs. Il nous emmène tous ces petits territoires et il est toujours accompagné d'une petite palette, d'un crayon, de quelques couleurs et il dessine. Alors en général, ça lui permet d'avoir une très très belle immersion sur les lieux parce que les gens sont toujours attirés par ces artistes en herbe, voilà, qui vont s'arrêter devant la place de l'église. Et c'est un type un peu comme Claude Martaler, c'est quelqu'un en fait qui a toujours le sourire en fait, voilà, qui vous embarque aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui nous emmène, ouais, qui nous fait vraiment partager au travers de son livre tous ces petits périples qu'il fait. On continue dans le récit. Alors, il y a des petites philosophies voyageuses qui sont fort sympathiques à découvrir. C'est comme, par exemple, celui de Julien Leblay, le Tao du vélo. Ce sont des petites réflexions sur le vélo. Un peu comme Claude Martaler, sauf que là, c'est un tout petit bouquin, voilà, qui se met presque à l'arrière d'une poche de jean. Alors que Martaler, voilà, il faut prendre le temps de la lecture. Un bouquin qui nous était sorti, c'était un Hollandais. Ça, c'est un gros, gros bouquin. Ça, c'est le bouquin voilà, qui est sorti au départ chez Gestalten, un éditeur allemand, et qui a été traduit en français. Ce Hollandais est parti pendant un an, non pas faire un tour du monde. Il est parti de Rotterdam et il est allé jusqu'en Asie du Sud-Est. cet ouvrage-là, donc il s'appelle « Un an à vélo, d'Amsterdam à Singapour ». Il nous emmène donc non seulement donc dans son périple, mais il nous y apporte des superbes photos. Alors on peut voir donc des lieux, mais on peut le voir également lui sur sa bicyclette ou en train de contempler un paysage. On a envie d'être à sa place. Je me souviens d'un paysage qu'il est en train de voir en Turquie. On se dit, tiens, c'est là qu'on a envie d'être en ce moment et non pas être en pleine ville confinée. Ça, c'est une véritable merveille. Alors, quand quelqu'un vient chez nous, qu'il veut faire un tour de vélo, par exemple, ne serait-ce qu'autour de Nantes. Il y a une carte, moi, que je propose. C'est la carte numéro 124 de IGN. Ce sont les cartes tourisme et vélo. C'est une carte qu'on peut utiliser pour la voiture. Pour la randonnée à pied, c'est un peu moins facile. Mais aujourd'hui, ces cartes qu'on appelle les cartes top 100 de l'IGN proposent des itinéraires à vélo, en tout cas des itinéraires qui sont homologués, validés. Et on va trouver, bien entendu, sur la carte Nantes-Saint-Nazaire, on va retrouver bien sûr l'axe de la Loire à vélo, on va retrouver l'axe du canal de Nantes à Brest, mais également d'autres petits circuits, notamment Carquefou-Saint-Marlajaille. Et comme elle monte très haut, parce qu'elle monte jusqu'aux portes de Rennes, on peut aller de Nantes à Rennes en utilisant des pistes cyclables. Ça, c'est donc la carte que je propose, la carte top 100. L'année dernière, c'était notre best-seller, celle-ci. Les gens disent, voilà, on doit faire 100 km autour de Nantes, on ne sait pas où aller. Eh bien, écoutez, la meilleure chose, c'est de réapprendre à utiliser une carte. Pourquoi ? Parce que la carte, en fait, c'est comme ça qu'on explore les lieux. Aujourd'hui, en fait, on a l'habitude du GPS. Le GPS vous emmène d'un point A à un point B. Mais quand on prend une carte, on se dit, tiens, la Loire est un peu encombrée en ce moment, il y a beaucoup de passages, on va peut-être passer de l'autre côté en regardant la carte, plutôt que de faire comme les autres. C'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, donc, être un voyageur, c'est aussi, de l'imprévu. C'est de se dire, voilà, on ne va pas passer tout à fait par le même endroit. Et on a envie, pourquoi pas, de se dire, tiens, on arrive en Loire-Atlantique. Eh bien, on va séjourner un petit peu du côté du lac de Vieux-Rot, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ça que ces cartes-là, donc ce qu'on appelle les top 100 de l'IGN, sont vraiment épatantes. Alors, quand on veut faire un tour à travers, même à travers la France, ben voilà, donc on peut utiliser toutes ces cartes-là. Après, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on veut faire un itinéraire donc, un peu allongé au départ d'ici, on est quand même traversé à Nantes par deux grandes voies européennes, deux Eurovélos. On a bien entendu l'Eurovélo 6 qui nous embarque de Saint-Brévin jusqu'à la mer Noire. Il y a plus de 3000 km à effectuer. Et puis, plus récemment, c'est l'Eurovélo 1 qui descend de la Norvège et qui descend jusqu'au Portugal, qui passe par Nantes. C'était pas beau. Donc elle passe par le canal de Nantes à Brest, en fait. Elle vient de Roscoff, canal de Nantes à Brest. Et puis après, on va descendre jusque sur la côte vendéenne, etc. Ce qu'on propose aussi aux gens, donc là, je présentais ces cartes-là, mais il y a aussi les guides vélo. Et dans les guides vélo, en effet, là, on vous donne un petit peu le tempo, pour ceux qui ont moins l'habitude, le tempo de comment est-ce qu'on peut faire donc, ces itinéraires-là. Et on a trois éditeurs avec lesquels on travaille. En premier lieu, c'est Chamina, qui est un très très bon éditeur avec une présentation couleur violette ici. C'est les guides qui sont les plus légers qui soient en plus, avec une carte IGN, s'il vous plaît, dedans. Donc c'est le NEC plus Ultra. Et à la fin, nous avons donc la liste des hébergements et les campings. Il y a aussi Ouest France, qui est quand même bien implanté dans notre région. qui est bien, mais je dirais un petit soupçon moins bien quand même. Sauf que la carte est moins détaillée. Par contre, Ouest France, si on met la Loire-Atlantique dans la Bretagne, en fait, on est très, très bien fourni en guide de rando. Ici, vous pouvez aller de Nantes jusqu'à Brest, jusqu'à Roscoff, on peut aller jusqu'à Saint-Malo, on peut aller jusqu'à Pontivy, descendre jusqu'à Lorient. Donc, on est quand même très, très bien équipé donc, sur des pistes cyclables. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, quand même, ce qu'on peut dire aussi dans les... Hormis ce qui est à proximité de la région nantaise, donc je parlais donc du canal, je parlais de la Loire à vélo, il y a des destinations qui peuvent être intéressantes aussi, qui sont moins pratiquées. Et ça, moi, je l'ai découvert avec des clients. Tiens, si par exemple, on veut chercher quelque chose un peu plus rare, l'année dernière, comme les gens voulaient quitter la ville, on a senti de toute façon qu'en matière de voyage, on restait surtout en France. Les gens ont fait beaucoup le Massif Central, les contreforts du Massif Central, c'est-à-dire des zones en fait qui sont moins connues, qui sont restées un peu dans leur jus. Je pense notamment à des régions comme le Limousin, Creuse, Corrèze, la Brenne par exemple, la Lozère un peu plus, mais certains coins du Cantal qui sont peu prisés. Et là, on a découvert que à vélo, moi je ne le savais pas, je ne sais pas s'il y aura un guide là-dessus, on peut faire le tour de la Creuse à vélo. Et j'ai deux clients qui m'ont dit, voilà, c'est vraiment sympa et paisible. Donc voilà, mais ça, il faut le dire à personne. On peut faire aussi, plutôt que de faire la Loire à vélo, on peut faire le canal du Berry. C'est-à-dire qu'on quitte, on quitte Tours et on va s'en aller, je dirais, donc, en suivant. Donc, c'est peut-être bien le Cher et qui, en fait, va vous embarquer donc, jusque donc, dans des départements comme l'Indre, le Cher. Et là, on peut aller jusque dans la région de Sancerre. Et là, on peut revenir et faire une grande boucle, s'arrêter pour prendre un bon petit Sancerre. Voilà. Et la boucle est bouclée si on revient après directement. Bon Yann, qu'est-ce que tu... Moi, de la géothèque, j'étais déjà complètement fan, mais quand Benoît s'est mis à parler, je me suis dit, mais il faut qu'il nous rejoigne tous les mois. Mais il faudrait qu'il vienne parler du voyage, il a une telle passion, une telle connaissance de tout ce que sa librairie propose. C'est des rêves en fait, tout ça. C'est des rêves, c'est validé, tu vois. On peut voyager. Non, mais c'est vrai, avec la géothèque, on peut voyager en vélo, à pied, en avion, dans son salon. On peut y passer toute l'après-midi. Voilà, c'est une usine à rêves. Et puis encore, aller voir au premier étage, ils ont plein de cartes en relief, en pas-relief. Moi, j'ai adoré. C'est un. Voilà. C'est... On est fan, voilà. Totalement. Alors Aurélien, on a envie de te poser une grande question qui est celle du voyage à vélo en famille. Et si Amélie, si Amélie peut nous rejoindre, ça serait top d'avoir vos deux impressions parce qu'on va vous redécrire, on est là dans la cour, pas très loin du boulevard d'Albi. Hein. Amélie dis... Je voulais la faire. Amélie, tu viens? On est donc juste collé. Bon, on est à l'extérieur, voilà, on est sur une émission radio qui respecte les gestes barrières, balayé par les vents encore une fois. Oui, c'est ça. Je passe le micro donc à Amélie, on en vient à la grande... Parce que voyager avec ses enfants, je crois que c'est le rêve de tous les parents, jeunes parents, etc. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient un peu plus âgés. Oh là. Et donc c'est la question. Le voyage à vélo en famille, qu'est-ce que... Alors, quand on a envie de voyager avec des enfants, qu'ils soient petits, je pense que les grosses questions demeurent sur les nouveau-nés, le matériel, combien de kilomètres par jour, à quoi il faut faire attention quand même un minimum et sur quoi on peut vraiment lâcher du lest pour aller sur un voyage en liberté. Alors, il faut être modeste quand on fait un voyage en vélo avec les enfants. L'idée, c'est de partir avec les enfants et donc de respecter leur rythme de vie. Il faut arrêter les 100 km par jour. Enfin, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, l'idée, ça va être de réussir à faire quelque chose ensemble, qu'on fasse 3 km ou 30. C'est pas ça la question, en fait. C'est que chacun trouve son équilibre. Donc, moi, je pense que... donc, on est parti, Phila, elle avait un an et demi. Je pense qu'elle a mis 3 semaines, par exemple, je sais pas si ça peut rassurer des parents, à comprendre le nouveau rythme de vie, à comprendre qu'elle dormait dans une tente, enfin voilà, à son âge, voilà, elle a mis 3 semaines. C'est pas grave, on partait un an, donc c'était très bien. Et j'ai pas encore dit où est-ce qu'on était reparti. Ah oui, d'accord. Non, le plus dur, et c'est un truc tout bête, que nous, on pensait qu'on avait pensé à tout. En fait, on n'avait pas pensé au décalage horaire et aux problèmes que ça allait nous poser. Et ça nous a mis en vrac. Voilà, parce que du coup, on avait 7 heures de décalage horaire. Donc ça n'a pas été facile à vivre. Et alors que c'est un truc auquel il suffisait juste de penser, mais ça, non, on n'y avait pas pensé. Parce qu'on est parti de Calgary, au Canada, pour rejoindre Cancun au Mexique. Calgary, c'est sur la côte ouest. Alors, c'est pas collé-collé à Vancouver. C'est un peu dans les terres quand même. Mais voilà, c'est ça. C'est dans cette région-là. Vous avez... C'est au nord des Rocheuses. D'accord. Vous avez passé par Seattle ou alors vous avez carrément traversé les Rocheuses? Vous avez pris par la côte américaine? On a traversé la montagne. On n'était pas sur la mer. D'accord. Vous avez vu Yellowstone en vélo? On a vu Yellowstone en vélo. Je suis excessivement jaloux. Philae, s'il te plaît, tu peux venir parce qu'on va besoin de toi. Tu veux parler Moi, j'aimerais, dans le micro, j'aimerais beaucoup que Philae nous dise comment c'était ce voyage à vélo. On s'était préparé un petit peu avant, on n'est pas parti comme ça du jour au lendemain. Donc on avait déjà fait des voyages en couple, tout seul. Et en famille, on était parti sur une semaine pour tester la carriole, parce qu'elle était dans une carriole, la tente, le matelas. Alors on avait l'idée de partir avec des couches Laval parce qu'on est un peu bio-bio, mais ça n'a pas été. Là, c'est un renoncement de notre part parce que l'eau n'est pas forcément accessible partout. Il faut laver, ça prend du temps et ça prend du temps à sécher. Voilà. Donc on a fait un voyage test, on a vu que c'était possible et puis après, on est parti. Est-ce que tu te rappelles un peu du voyage à vélo ou c'est quand nous on te raconte? quand nous, on raconte la gaga. Qu'est-ce que tu as préféré dans le voyage à vélo? Tout. Qu'est-ce que tu as pas aimé dans le voyage à vélo? Rien. Alors, je pense honnêtement, hein, Philaël, on est parti, elle avait 1 an et demi, on est revenu, elle avait 2 ans et demi. Je pense qu'elle ne se rappelle pas de grand-chose. Je pense que ça fait quand même partie de son histoire de vie. Quand c'est un enfant, quand elle joue, en fait, elle va nous dire qu'elle va partir en voyage, qu'elle va partir au Mexique. Elle ne va pas dire « je vais chez papy, mamie en Vendée ». Quoi. Enfin, mais bon, voilà, ça fait partie de son histoire. Après, elle aura des souvenirs grâce aux photos, grâce aux vidéos. Voilà. Vous avez fait un film de toute votre aventure. Il est en cours de montage, pardon. Il est fini parce qu'il devait déjà passer l'année dernière. Il y a une partie, la partie sur les États-Unis est faite, et puis il y a une partie sur le Mexique. On prend tellement d'images, il y a tellement de photos et que c'est parfois facile. Alors c'est difficile, soit on fait un film pour soi, soit on fait un film pour les autres. Donc on essaie de faire un film pour nous, pour avoir des souvenirs, pour que Fidèle ait des souvenirs, et puis pour montrer que c'était beau, pour donner envie aux gens, parce que pareil, le festival du voyage à vélo, pour revenir au départ, et ben ça donne envie aux gens, donc on aimerait que tout le monde fasse du voyage à vélo, parce que ça ouvre des perspectives, ça apaise, ça permet d'être humble. D'être humble, peut-être. Oui, ça nous permet, on s'estime chanceux, en fait. On a fait le choix, mais je pense qu'on fait partie des parents qui ont passé beaucoup de temps avec leur enfant, en fait. On était 24 heures sur 24 ensemble. Bon, il y a des moments où on n'en pouvait plus. Hein. On aurait aimé être sans enfant, comme tout parent. Mais voilà, on s'estime chanceux d'avoir pu grandir avec Philae et d'avoir vécu cette aventure avec elle. Et justement, on parlait d'archives et on voulait aussi aborder ça dans l'émission. Quel conseil vous feriez, enfin, j'imagine il y en a qui mettent ça en photo. Il y a le classique, très classique, une photo et la rédaction du récit. Hein, ça, ce sont les anciens qui sont très friands là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à coup de GoPro et même les téléphones, hein, maintenant, on fait tout. En gros, on peut... Oui. Alors, nous, comment on faisait sur le récit, c'est que on tient un simple cahier papier. Moi, j'ai mon cahier et dans lequel j'écris mon ressenti de la journée, ce que j'ai fait, ce qu'on a vu, les anecdotes ou des choses comme ça. Ensuite, je le retranscris, faire son numérique pour pouvoir donner des nouvelles plutôt aux amis, aux parents, aux collègues. C'était plutôt ça. Sur ce voyage-là, c'était plutôt pour donner aux États-Unis, c'était plutôt pour donner des nouvelles, alors que sur le voyage en Afrique, c'était plutôt pour donner des indications à d'autres voyageurs qui pourraient passer par l'Afrique, parce que il y a peu de voyageurs qui traversent l'Afrique, et des endroits où on peut trouver de l'eau, où on peut trouver de quoi réparer ou des choses comme ça, c'était forcément intéressant. Donc c'était pas la même rédaction ou utilité du blog. Après voilà, maintenant je sais qu'il y a des trucs un peu plus rapides, peut-être que je prendrai moins de temps parce que c'est contraignant, autant écrire ça va, mais après le remettre sur le format numérique, mettre des photos en ligne, mettre tout ça, ça prend parfois du temps sur le voyage, que peut-être qu'il faudrait plus en profiter et puis ou faire un travail après ou peut-être ne pas en faire du tout. Et puis juste profiter de ce voyage là en se disant on prend quand même des photos. Écrire un petit peu pour soi-même, peut-être pas forcément pour être écrivain ou pour rester dans la postérité. Et je vais jouer les maîtres du temps, mais on va bientôt s'arrêter. Il y avait beaucoup de choses. C'est une émission qui mériterait encore une émission, je pense. Je pense que cette émission nous ouvre des portes nouvelles pour peut-être faire un autre numéro quand on sera dans le dur, à savoir vers le mois d'avril et le mois de mai, enfin, quand on aura plus de visibilité sur les possibilités de déplacement cette Exactement. Année. Exactement. Et ce que j'aimerais que tu nous recommandes, c'est peut-être des choses à lire. Alors, moi, je suis un grand fan de Claude Marteler, que j'aime comme Benoît de la Géothèque, il paraît, parce qu'on a eu la chance de le rencontrer en voyage, un soir en bivouac. Avant ça, je ne connaissais pas Claude Marteler. On n'a pas besoin d'avoir de référence pour partir en voyage. On n'a pas besoin de grand-chose pour partir en voyage à vélo, si ce n'est un vélo, des sacoches et puis de quoi dormir. Moi, j'ai lu sur un très ancien texte qui disait que pour partir en vélo, il fallait avoir du temps et pas de soucis. C'est parfait, donc tout le monde peut partir en voyage à vélo. Je voudrais te remercier encore Aurélien, à Amélie, à Philae, d'avoir partagé avec nous toutes ces belles histoires. Yann, on se dit au mois prochain. Au mois prochain. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Bonne route.